Yeah, yeah, Chibi Master Blaze, F2X dans les studios. On vient réveiller tous les grincheux. L'histoire de Pikachu, c'est pas pour nous. Yeah, yeah. On est des bantouches par la recherche de la gloire. Le monopole, on n'en veut pas. Tout dépend si tu testes ou si tu marches pas droit. Ici, ça blague pas, écoute ça. Blague pas, yeah. C'est du sérieux, torche le hargneux, for long time. Vas-y, fais Belex, c'est full time. J'suis Dusty, Dusty. Si t'as pas compris, c'est les refrains de Panam City. Ici ça gollerie pas, ici ça blague pas. Si tu parles, si tu testes, c'est couloir. Tout dans la mirette, toi sur la gâchette. Quick, quick, bang, 357, c'est mon MBR. La gloire, on n'en veut pas, on vous la laisse. On n'est pas des toutous tenus en laisse. La gloire, on n'en veut pas, on vous la laisse. On n'est pas des toutous tenus en laisse. Je viens porter ma pierre à l'édifice, j'arrive, je te le dis d'office. Pas là pour mettre le box office, là pour mettre les compteurs à zéro. Je t'explique le topo, les deux frérots. Yeah, yeah, c'est faux qui fixe, JB dans les bas-fonds. Attention, viens pas mettre ta pression. On pas collerie en face de nous, on n'est pas des bouffons. Toujours sérieux, quoi qu'on fasse, on représente le bastion. Toujours prêt pour la baston, pour se bastonner, pour décocher. Des golden enchaînés, ta mâchoire, je t'ai cassé. Des chiffons vont tomber. Et ouais, je suis sérieux, je viens pas blaguer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'organise? Les deux refrains sont halte, toujours OP. Au QG, ça se parle, ça belle, ça parle en message codé. Les copains, on les connaît. Toi, tu sais, AED, on a tout vidé. Toutes les étagères, parce qu'ici, ça gère. C'est du sérieux, c'est du sérieux. Ça blague pas, ici, c'est rip pas. En dédicace, mon gars. La gloire, on n'en veut pas, on vous la laisse. On n'est pas des toutous tenus en laisse. La gloire, on n'en veut pas, on vous la laisse. On n'est pas des toutous tenus en laisse. Lâche du laisse, fais-toi blaze. Éclate ta taille, tease à notre santé. La santé des bourguignons. Vas-y, fais tourner les pilons à tes poteaux. Jette les cartes, fais des crème flush. C'est du sérieux, Panam City. Sérieux, ça fait trop blaze. C'est du sérieux, faut qu'il fixe. C'est du sérieux, keep it master blaze. C'est du sérieux, Panam City. Sérieux, ça fait trop plaise. C'est du sérieux, faut qu'il fixe. C'est du sérieux, keep it master blaze.